J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes si je sais pas dire aux gens que je les aime? Combien d'autres raisons funèbres avant de le dire avant? Bataille perdue d'avance, des guerres dont personne sort gagnant. À la base c'était juste un passe-temps. Mes temps est passé, je faisais juste ça pour les faire marrer. C'était qu'en soirée, c'était des impros bien préparés. Mais quand elles buzzent, les merdes rappliquent. Les yens, les fils de polémistes. J'insiste de sortir mon premier disque. J'fais de la politique, j'suis seul et triste, hein. Merci mes ex, hein. Merci pour le crash test, hein. J'apprécierais moins ce que j'ai sans votre aide, hein. Merci de me voir tes, hein. J'veux dire vraiment, j'veux dire j'aurais pas changé si vous m'aviez pas dit de le faire, hein. Amour moderne, tonnerre sublime, grotesque, honnête dans mes poèmes. D'où j'viens, j'voulais qu'un peu de soleil, être le héros de mon propre shonen. New York, la salle est pleine, merde. Tokyo, la salle est pleine, merde. Paris, merci, merci, j'pose un Bercy sur toute la semaine. D'habitude, j'parle que de mes défaites parce qu'on apprend seulement dans l'échec. Aurais les grains, j'ablaye, scrète, j'aimais pas jeu, j'ai changé les règles. La vérité pour seul remède quand les plaies d'une amitié s'infectent. J'ai perdu des potes, ils sont perdus eux-mêmes. Tu veux des potes, prends leur galère avec. J'refuse des sommes, j'refuse des chèques. Avec plein de chiffres, genre 6 ou 7. C'est mon intégrité que j'achète, c'est ce que j'appelle payer le prix des rêves, hein. C'est pour ces rêves de gamin qu'on s'est donné des moyens. J'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi, besoin d'âme, j'suis qu'un fils de paille, hein. Tout se transforme, rien ne se perd. J'ai pas fait que des choses dont j'suis fier. J'peux devenir meilleur, j'peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé mais j'vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les dettes, hein. J'échangerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle, hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait, hein. Tout se transforme, rien ne se perd. Ombre et lumière.